On est en retard, on est toujours en retard. C'est pas trop tard d'être en retard, mais le retard s'apprécie, se laisse atteindre. You liar. Hypocrite. You're a sham. Analyste, programmateur, la France a eu sa pole position. Avec qui? Avec quoi? Un Minitel et paf, la pub et au coin. On t'a puni, petit Minitel, tu as effacé toutes tes couleurs. Merci la France et France Télécom, hop et non loin. À l'école, quel dommage, collatéral et zi. Oui, ils ont essayé et sont découragés sur un petit PC, il est secoué. Avec le logiciel Truy qui débarque dans les écoles et les maternelles, 90 écrans verts et les logiciels de français et de mathématiques. Je l'ai vécu, qui a cassé la bouteille. Que quoi, qui s'est laissé dépasser. On a dû redoubler pour acquérir l'internet. À qui il est à faute. Il faut se poser la bonne question. Snip, pouf, paf. On a cru les Américains que notre Minitel brillerait de mille feux. Car avec leur langue qui roule, qui sonne bien pour les Français. Phonétiquement, les paroles on a bu. Mais pour quel but? Au détriment de notre structure. Un terminal et c'est terminé, petit Minitel. On est en retard, on est toujours en retard. C'est pas trop tard d'être en retard, mais le retard s'apprécie, se laisse atteindre. Après coup on passe pour des mauvais élèves qui copient sur les autres, on ne sait pas faire, c'est comme ça. On est mauvais élèves car les hôpitaux recherchent comme la programmation des gens performants. Et en France on se contente trop souvent du minimum, alors les grandes études sont mal vues, dommage. Car on en paye les conséquences, il y a un manque de très bons élèves. Pour faire des métiers de prestige, si tout le monde montrait l'exemple, c'est un phénomène de société, se dépasser. Mais pourquoi faire l'intérêt minimaliste et le confort rime. Je ne suis pas habile, car tout travail paie. On est en retard, on est toujours en retard, c'est pas trop tard d'être en retard. Mais le retard s'apprécie, se laisse attendre. On nous le cache, on nous l'impose. Pour certains, ça peut paraître de la magie. Nouveau sur le flou qui nous l'impose. Satellite sur orbite, le seigneur des anneaux. Un internet pour les gouverner tous. Un internet pour les gouverner tous.